Prononciation, intonation, exercice 20. Objection, exclamation. Écoutez. C'est quand même votre avenir professionnel qui est en jeu. Répétez. C'est quand même lui qui a commencé. C'est quand même elle qui est partie. C'est quand même eux qui sont venus nous chercher. C'est quand même nous qui avons fait la meilleure proposition.